Hey, t'es où? T'es là? T'es où? J'ai un squelette dans mon placard, dans mon blouson un calamar, le chaland de sa nivoyeur. J'avais perdu cet aboyeur, un calavant en petits morceaux, bien empilé dans mon frigo, une momie blanche bien emballée, dans le bureau de mon aîné. Je ne sais plus où je l'ai rangé, je ne sais plus où je l'ai mise, dans la cave où la remise. De chat, des crottes de nez dans la boîte à pain d'épices, la petite culotte de ma belle-mère dans le bac à glace du frigidaire, une couche culotte de ma dernière étalée sur la plage arrière. Je ne sais plus où je l'ai rangé, je ne sais plus où je l'ai mise, dans la de l'avoir lavé, bien étiré, bien repassé, délicatement je l'ai plié, mais je ne sais plus où je l'ai rangé, même si dans un coin du cerveau, un air de zig sur le tympan, un gargouillis sur la.